une histoire particulière. Comment vous raconter le premier épisode diffusé hier, proposé par Philippe Roizès et Assia Khalid, autour du handicap? Peut-être en reprenant ces quelques phrases prononcées par les intervenants eux-mêmes. Il n'y a pas de courage à être comme on est. On essaie de supporter notre sort comme on peut, avec les moyens du bord, et souvent en s'inventant un bien-être qui n'existe pas. La loi non écrite, c'est que tout le monde décide pour nous. La norme est hyper violente, parce qu'on est dans une société où on doit se ressembler. Et Elisabeth Auerbacher de conclure, « J'existe, je suis une femme qui a une spécificité, mais avec tous les désirs d'un être humain. » Retrouvons-la tout de suite dans le second épisode. En 50-60, on ne voit pas d'handicapés dans la rue. Ça n'existe pas. Ils sont tous ou en famille, parce qu'il n'y a pas tellement de place en centre, ou en centre, ou en famille, mais ça n'existe pas. Vous ne les voyez pas. Il n'y en a pas dans la rue. En plus, à remettre dans le contexte social des 30 Glorieuses, en avance, on sort de la guerre, ça n'existe pas. On ne sait pas où ils sont. Attention, handicapée méchante. Un documentaire de Philippe Roizès, réalisé par Assia Khalid. Seconde partie, le comité de lutte des handicapés. Rencontre de Patrice Galbeau avec Elisabeth Auerbacher, France Culture, 1er janvier 1982. J'ai eu le privilège de ne jamais être dans ces fameux ghettos, c'est-à-dire que malgré mon fort handicap, qui est important, le hasard, le fait que mes parents étaient nantis, on fait que, bon, moi j'étais à l'école avec les autres enfants, j'étais au lycée avec les autres enfants. Et je n'ai rencontré ce que j'appelle mon monde, c'est-à-dire le monde des handicapés, réellement, qu'en cité universitaire. La cité universitaire d'Antony, elle était connue pour son accessibilité et ses fameuses chambres qui étaient réservées aux handicapés. Donc qui, par rampe, pouvaient permettre de déambuler dans cette cité universitaire. Sauf, comme je l'explique dans mon livre, qu'on avait bien le droit d'aller manger, mais on n'avait pas le droit d'aller prendre un café à la cafétéria. Et donc, je me suis retrouvée au milieu d'autres handicapés. C'est-à-dire que vous aviez le droit, mais vous n'avez pas le moyen d'y accéder, c'est ça? Parce qu'il y avait trois marches. Oui, entre le droit et le moyen de l'accéder, d'y accéder, trois, je veux dire que c'est le droit. Les trois marches qui vous empêchaient d'accéder, voilà, à la cafétéria. Voilà, si le droit est simplement un écrit et qu'on ne peut pas l'exercer, je crois que ça ne sert absolument à rien. Il y avait des étudiants handicapés, ils sortaient pas de leur chambre. Ils ne sortaient pas. Elisabeth Auerbacher. Je sais même pas comment ils mangeaient. Je crois qu'on leur apportait à manger. Ils sortaient pas parce qu'ils voulaient pas qu'on les voit. Ils avaient intégré la honte, quoi. Intégré la honte et le ghetto. Et c'était la honte, la ghettoisation. On parle que de ses maladies, de son handicap. Ça suffit, là. Bon. Heureusement, il y en avait une qui était quand même plus dynamique et qui voulait aller à la cafétéria, qui était Marie-Yvonne, elle s'appelait. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est regroupés. Donc, Marie-Yvonne, je lui rends hommage, elle dit, mais elle était en fauteuil roulant, elle dit, moi, je ne peux pas y aller. Et du coup, on s'est battu, on a dû mettre du ciment et tout, enfin, on a squatté, et puis ils ont fini par nous mettre un plan incliné pour aller à la cafétéria. Ben oui, Marie-Yvonne, elle avait envie aussi d'aller prendre son petit café avec les étudiants et tout. Et de là est né le comité de lutte des handicapés. D'une part, par l'action que nous avons menée pour faire sauter les marches de cette fameuse cafétéria, et puis par l'intermédiaire d'un copain qui avait entendu parler d'une grève de la faim, d'une personne qui s'appelait Aïcha Bernier. On est allé la rejoindre, on a défendu son action parce qu'elle cherchait du travail en tant qu'handicapée, et là on s'est regroupé, on a dit il faut créer quelque chose, et on a dit il faut créer un comité de lutte des handicapés. Et donc, et c'est là où on a trouvé le slogan du journal « Handicapés méchants » pour s'amuser. L'année de tout cela est 73. On a eu 68. En 68, il faut être clair, ni les femmes ni les handicapés n'étaient mis en exergue. Hein. Ça n'était pas des luttes. Mais 68 a amené la réflexion. C'est pour ça que c'est important dans les 50 ans de 68. Il y a eu un passage entre 68 et 72 où il y a Foucault, tous les intellectuels Deleuze, tout ça, qui ont commencé à intellectualiser le phénomène des luttes spécifiques. Bon, ils n'avaient pas vu le handicap. Hein. Mais à partir de là, ils ont commencé sur la folie, la prison. Et à partir de là, quand nous, on s'est regroupés, on avait ça autour de nous. Donc, sur le handicap, on a créé le comité de lutte des handicapés. Donc, le comité de lutte des handicapés n'avait pas en fonction d'être une nouvelle association. C'était le fait d'analyser le handicap à la fois dans ses causes et dans ses conséquences d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à dire que c'était à la société qui est à changer et qui doit s'adapter à nous et non pas à la pensée qui était dominante à l'époque. C'était que on doit en tant qu'handicapé, on doit s'adapter à la société. Là, c'est la société qui doit s'adapter à nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de handicaps qui viennent ou de fautes médicales ou de pauvreté ou de il y a les accidents du travail, il y a les accidents, c'est les accidents de la route. Vous êtes riche et handicapé, vous êtes pauvre et handicapé, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est politique, c'est complètement politique. À partir du moment où vous décidez et que vous analysez que c'est la société qui doit s'adapter avec la notion de compensation. Chacun selon ses besoins, enfin, voilà. Et à partir de là, la personne handicapée, elle fait partie du monde. Qu'est-ce que vous appelez la compensation ? L'État va compenser les petites différences. Par exemple, l'aménagement d'une voiture si vous conduisez à main. Par exemple, un fauteuil roulant qui vous permet de vous déplacer. Voilà, c'est ça la compensation. C'est qu'on vous donne l'argent nécessaire pour que vous soyez dans une mobilité comme les autres, que vous puissiez exercer votre travail, vos études, votre vie familiale, comme n'importe qui dans la société. Quelles étaient les revendications les plus importantes du comité ? Les revendications immédiates, alors ça, on le voyait à chaque réunion, le problème des transports, donc le problème de l'accessibilité Gérard Leblanc. Des lieux publics. Il faut pouvoir se déplacer d'abord pour s'exprimer, tout simplement, et pour sortir de chez soi. Et ça, je crois que c'est partagé par tous les handicapés. Enfin, c'est une revendication de base qu'on ne peut pas éluder, puisqu'elle conditionne toutes les autres, la satisfaction de toutes les autres. Et puis, il y avait aussi les objectifs à plus long terme. C'est-à-dire, la question qu'on posait finalement à l'intérieur du groupe, c'est que plus il s'affirme en tant que handicapé, plus le handicapé lutte pour sa disparition. C'est un peu comme le prolétariat selon Marx. Hein. En s'affirmant, il lutte pour disparaître et pour émanciper l'humanité entière. Voilà. Et le handicapé, c'est pareil. Et ça, on en avait bien conscience. Autant on luttait pour l'épanouissement le plus satisfaisant possible pour les handicapés en tant que handicapés, autant il nous paraissait au moins aussi important de lutter pour la suppression des causes sociales des handicaps, tout au moins celles qu'il est possible de maîtriser. Ouais. Donc les deux luttes étaient unies, en fait. Oui, les handicapés s'y mettent, eux, elles aussi. Et notre mouvement, ce n'est pas du ciel, de la charité qu'il parle avec ses anges et ses sébiles, c'est de cette société vécue au plus profond de sa logique pourrie. Nous avons des revendications immédiates et nous luttons fermement pour elles. Puisque nous sommes privés des droits les plus élémentaires, il nous faut d'abord conquérir ces droits. Conquérir les moyens, y compris les moyens techniques, d'une réelle autonomie politique et sociale. Et l'exercice des droits les plus élémentaires est lié pour nous à la satisfaction des besoins les plus élémentaires. À quoi nous servirait-il de jouir de tous nos droits politiques et syndicaux si nous n'avons pas accès librement au transport ? Si nous est impossible de sortir librement ? Si toute possibilité de rapport social, humain, si toute possibilité de rapport sexuel nous est refusée. Bon pied, bon œil et toute sa tête est un film militant et collectif sur le handicap et la psychiatrie. Réalisé par Gérard Leblanc, universitaire et historien du cinéma, il s'inscrit dans le sillon de l'effervescence de mai 68. Le cinéma est utilisé comme un moyen d'expression et de réflexion, philosophique, politique et filmique. Les films se construisent et se diffusent hors des formatages de la production et de la distribution de masse. Je me suis intéressé au comité de lutte des handicapés pour y réaliser un film, avec un projet de film au début, parce que la lutte des handicapés me paraissait importante en elle-même, mais aussi parce qu'elle me permettait, nous permettait, de mieux comprendre le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et donc je me suis rapproché du comité de lutte, et là j'ai vu quelques individus remarquables, handicapés, dont Elisabeth, effectivement, et d'autres qui sont depuis, qui ont moins réussi, en tout cas qui sont morts. Et donc, désirant faire un film, puisque j'appartenais à un groupe de cinéma d'émancipation, si je puis dire, à la fois individuel et social, qui s'appelait Cinétique, qui éditait une revue et qui réalisait des films, eh bien, comme nous n'étions pas des reporters, évidemment, je me suis installé, si je puis dire, dans le groupe, et j'y ai milité pendant quelques années. Et c'est en y militant, en fait, que j'ai mieux ressenti et mieux compris les questions relatives au handicap. Quand vous avez fait la démarche de les rencontrer, c'était en quelle année ? Oh, c'était en dès 73, c'est-à-dire peu après la création du groupe. Et j'ai finalement participé aux activités du groupe jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 1980, où est paru le dernier numéro. Le comité de lutte des handicapés, donc on s'est réunis, on a commencé à penser, puis on a dit « il faut un journal ». Puis on en avait tellement, c'est l'époque de la quête, l'APF faisait faire la quête aux handicapés, c'était le bon petit handicapé, il est gentil, il est mignon. On a dit « eh ben on va s'appeler Handicapé Méchant ». Le comité de lutte est né avec sa revue. Et donc, je participais aussi à l'écriture de la revue. Je participais aux discussions, aux actions. J'étais un vrai militant. Un axe de lutte, c'était de supprimer les cloisonnements. Donc, pas de séparation par handicap, comme s'y emploient les gestionnaires du handicap aujourd'hui. C'est-à-dire, à chaque handicap répertorié, une association. Donc pas de cloisonnement, ni entre handicapés physiques, ni entre handicapés mentaux, par exemple, qui est le grand cloisonnement. Et puis, pas de cloisonnement non plus entre handicapés et valides. Moi, j'étais plus ou moins valide. Bon, les valides étaient requis, si je puis dire, étaient désirés dans le comité de lutte, et voilà. Et pas seulement pour pousser les handicapés en fauteuil. Ça voulait dire qu'il y avait une base d'unité possible entre handicapés visibles, si je puis dire, et valides, qui sont des handicapés invisibles, en fait. Alors, quelle était cette base d'unité ? Pour nous, à Cinétique, c'était la notion d'usure. Vous avez vu le film, et c'est de tenir deux aspects contradictoires. Il y a un aspect très conceptuel, d'analyse incontestable, documentation, etc. Et puis, il y a un aspect sensible. Il y a une relation au monde qui se construit à partir du sensible. Et le point de départ du film, c'est comment jouit-on de nos sens, finalement ? Qu'en fait-on ? Quel possible en réalisons-nous ? En tirons-nous ? Et on s'aperçoit que les conditions de vie, pour la plupart, sont fort handicapantes. Comme cet ouvrier dans un film qui racontait qu'il ne sentait plus la peau de la femme qu'il aimait à cause de l'état de ses mains. Donc, pour nous, c'est une forme de handicap, puisque une relation sensible au monde, qui est quand même essentielle, ne peut plus avoir lieu ou dans des conditions tellement loin de ce qu'elle pourrait être. C'est la notion de conditions de vie handicapantes pour tous et de lutte contre ces conditions de vie, qui intègre évidemment les conditions de travail, il me semble que ça, c'était l'originalité la plus profonde et la plus décisive du comité de lutte. France Culture, 1er janvier 1982. Vous dites aussi que les handicapés sont exploités par les patrons la plupart du temps, puisque c'est parmi les handicapés qu'on peut trouver pas de la main-d'œuvre, mais en fait des... Oh, c'est un sous-prolétariat. Un sous-prolétariat, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Je veux dire que, comme on est basé sur une société de rentabilité, c'est la société actuelle, je veux dire qu'elle a ses immigrés, elle a eu ses femmes, c'est un peu en train de changer, bon, elle a ses handicapés. C'est-à-dire qu'on est basé sur une société de rentabilité, il y a ceux dans le circuit normal, qui ne peuvent pas être rentables, mais qu'en fait, les structures vont être créées pour qu'ils soient rentabilisés au maximum. C'est-à-dire qu'on va créer, bon, ben, comme les émigrés sont des manœuvres, les handicapés vont être dans des centres d'aide par le travail ou des ateliers protégés, quand ils ne vont pas faire du travail à domicile chez eux. Et ils vont, et ça a été complètement légalisé, c'est-à-dire que c'était une situation de fait qui existait et qui a été complètement légalisée par la loi dite en faveur des handicapés, la loi de 75. On va leur donner 50 à 70% du SMIC, et puis ils vont vivre en ghetto, puis ils vont ne faire que travailler. Et le cercle est fermé. Bon, je me souviens en 73 d'une émission de télévision sur un atelier protégé de la rue du Pont-aux-Choux, où la directrice était très fière de dire « En 68, il n'y a pas eu de grève ». Et c'est ça l'exploitation. On est déjà des exploités. Je crois qu'à un moment donné, je mets qu'on est les meilleurs esclaves du patronat, mais je crois que c'est vrai. Alors, tout ce qui était syndicat était banni, et le droit du travail n'existait pas pour les centres d'aide du travail. Et les salaires étaient bas, en dessous du SMIC. Et une grève, il y a eu une grève, notamment à Chenov, d'handicapés, c'était vraiment parce qu'ils voulaient simplement, dans un atelier protégé, ils voulaient simplement l'application du droit du travail, les congés payés, enfin, tout ce qui se passe dans une entreprise normale. Et les CAT, bien évidemment, il n'y a pas tout ça. Et du coup, pour des tâches répétitives, pas du tout épanouissantes, en plus, ils étaient beaucoup moins payés que les autres. Ils n'avaient pas le SMIC. Ils étaient à 70% du SMIC. Et ils étaient à la production. Et non pas en salaire mensuel. La production jouait dans le rapport du salaire. Vous voulez dire qu'ils étaient payés à la pièce ? C'était payé à la pièce. Les dossiers de l'écran, avec Elisabeth Auerbacher, Antenne 2, 15 septembre 1981. Les CAT, les ateliers protégés, sont des prisons pour handicapés, où on nous exploite, où on nous rentabilise, payé pas cher, mais pour des grandes sociétés. Monsieur Brunet n'a pas l'air d'être tout à fait de votre avis. Enfin, un peu quand même. Enfin, disons que, vous savez, quand on a fait 3 ans d'études dans une horlogerie, puis qu'on trouve pas de boulot, qu'on trouve rien du tout, on est quand même bien content de trouver une petite place. Oui, mais c'est la politique de la misère. Oui, bon, c'est vrai que vous. Quand on est complètement acculé à la misère totale, et c'est comme ça que bon, les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail fonctionnent, on est bien content de se retrouver dans un atelier protégé ou un centre d'aide par le travail. Mais c'est ça le scandale, c'est qu'en définitive, pourquoi un horloger, tout simplement parce qu'il est patron, parce qu'il a l'impression qu'on ne va pas être rentable, pourquoi un patron va refuser quelqu'un en fauteuil roulant ou va croire qu'on va être plus malade, ce qui n'est pas vrai parce qu'on est des bêtes de travail quand on commence à travailler. Parce qu'on a eu tellement de mal à trouver du travail qu'on n'ose plus être absent. Je veux dire que c'est ça, c'est une politique de la misère. Or, c'est là-dessus qu'on doit combattre. Alors, j'ai eu une rencontre... Bon, militant, j'ai eu une rencontre très, très importante. Alors, l'histoire est quand même assez extraordinaire. Je suis très sensible aux voix. Et en 68, j'étais chez moi, dans mon lit, à écouter toutes les manifestations qui existaient. Et donc, j'entends la première grève des assurances. Et j'entends une voix merveilleuse. Bon, voilà. Et après, au comité de lutte des handicapés, Jean Lapéry, c'était Serge Livrosé qui avait fondé le comité d'action des prisonniers. Mais Jean Lapéry en assurait toute la gestion et est venu nous rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai eu un sérieux coup de foudre. Et ben c'était la même personne qui avait fait la grève des assurances et que j'avais entendu à la radio. Donc après beaucoup de péripéties et pas mal d'années, nous sommes sortis ensemble, nous nous sommes mariés et nous avons vécu 34 ans ensemble. Et ça, c'est une très belle histoire d'amour. France Culture, 1er janvier 1982. Sur le plan professionnel, donc vous êtes avocate. Êtes-vous une avocate reconnue, normale, j'allais dire, c'est peut-être pas le mot employé. Normale, bon, d'abord, je suis avocate, donc comme je disais, c'est pas pour ça que je dois me considérer comme insérée totalement dans cette société. Je veux dire que le choix du métier est aussi un phénomène de combat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le combat contre le handicap... Quel lapsus. Le combat sur le handicap que je mène m'a permis de rencontrer aussi le combat que menaient des organisations comme le Comité d'action des prisonniers sur la prison, et de faire la liaison, ce qui choquait énormément d'ailleurs tout le monde, parce que les bons petits handicapés, eux, ils avaient bien le droit à la charité, mais enfin, on n'allait quand même pas à dire qu'ils étaient pareils que des prisonniers. Or, quand on analyse les conditions de formation, enfin, formation entre guillemets, de métiers qui sont le travail pénal et le travail des handicapés, la misère sexuelle et affective en prison et celle des handicapés, à la fois le prisonnier qui a son casier judiciaire à l'extérieur et nous on a notre handicap, je veux dire qu'il y avait énormément de points de similitude. Et qu'à partir de là, elle commençait à mener un combat au sein aussi de cette organisation. Et j'ai voulu donc devenir avocate puisque j'avais déjà les études adéquates pour faire ce métier. Il y a des handicapés physiques dans leur voiture, qui sont sur la piste avec des accompagnateurs, bien sûr, et qui brandissent des pancartes, non à la ségrégation, assez à la charité, je ne sais pas quel est le mobile de leur manifestation, quelles sont leurs revendications, mais enfin, ils utilisent évidemment Auteuil et... Enfin, ils n'ont pas envahi la piste. Si, ils sont sur la piste même, la piste doit se disputer le tiercé. Et actuellement, il y a quelques représentants des forces de l'ordre qui sont venus à leur côté, tout se passe dans le calme, à leur côté pour tenter sans doute de les faire quitter cette piste afin que la course puisse se dérouler. Je dois dire d'ailleurs que c'est assez pénible de voir tous ces jeunes gens et jeunes filles dans leur voiture, tous ces infirmes. Extrait de Bon Pied Bon Oeil et toute sa tête de Gérard Leblanc, 1978. Alors il y avait... voilà, les actions traditionnelles, un peu, bon, les manifestations de tel point à tel point. Puis, il y avait les manifestations plus inventives, dont on voit deux exemples dans le film. Par exemple, bloquer un tiercé au moment du départ, voilà, de la course. Ça, c'est, on n'attend pas les handicapés sur un tiercé. Donc, c'est une action qui a eu un grand retentissement. Le commentateur, dans les commentaires qu'il fait, on sent vraiment qu'on lui a cassé son jouet, quoi. Toute l'idéologie à l'égard des handicapés ressortait dans son commentaire. Ces pauvres gens, ces pauvres infirmes, il finissait par lâcher ces infirmes qui sont sur la piste. Qu'est-ce qu'ils font là? Les policiers vont à leur côté. Ils vont, c'est pas pour les tabasser, ils vont à leur côté pour les ramener dans le droit chemin. Toute l'idéologie revenait, ce mépris sous-jacent toujours, dans tous les discours sur la charité, puisque c'est vrai qu'il faut rappeler que le comité de lutte s'est construit contre la charité, discours et les pratiques liées à la charité publique, qui ne profitent qu'aux associations. Et voilà, donc sortir du discours de la charité, c'est s'affirmer aussi comme être vivant, et non seulement... refusant la pièce, qu'on leur donne la pièce, mais allant là, intervenant là, vraiment, où ils ne sont pas attendus. Et un deuxième type de manifestation qui avait été aussi marquant et que nous avons filmé aussi, c'était l'occupation du siège de l'Association des Paralysés de France, qui, comme vous le savez, est la principale association de handicapés actuellement, et voilà, on avait occupé son siège, ça aussi, ça avait surpris. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les actions du comité de lutte des handicapés, c'était pas des actions extraordinaires, mais comme c'était fait par des handicapés, ça devenait extraordinaire. C'est ça qui était très drôle. Je me souviens d'un journaliste du Monde qui avait titré « Des handicapés font de la politique », ça paraissait complètement aberrant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué des rues. On avait surtout des actions médiatiques, parce que c'était ça, comme on était rejetés, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on nous montrait. Alors, on a fait les grandes manifestations. La première, elle était en 73, et la deuxième, alors, elle était beaucoup plus importante, parce qu'on avait regroupé toutes les autres luttes, il y avait les éducateurs, il y avait tout ça, sur les Champs-Élysées en 74, la grande manifestation. La préfecture nous avait autorisé sur les Champs-Élysées deux voies. On a aligné les fauteuils sur les quatre voies. De toute façon, on ne pouvait rien faire. Donc, on a avancé. À quoi servent les caisses ? À faire de nous une catégorie de travailleurs surexploités, sous-payés, privés de tout droit politique et syndicaux, coupés du monde en nous niant tout besoin physique, intellectuel et sexuel. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Abat les caisses, refusez de donner. C'était un petit groupe, hein. On n'était pas des centaines. Hein. Quand j'aurais dit une douzaine, j'aurais fait le tour. Non, c'était pas. Mais on avait un retentissement au-delà du nombre, évidemment. Et chaque individu avait une forte personnalité, c'est sûr. Moi, je pense que Elisabeth est quand même s'est éloignée assez vite hein, du comité de lutte parce que elle a vu que ça prenait un tour quand même révolutionnaire et qu'elle n'était pas trop révolutionnaire, disons, sans du tout en faire la critique, mais c'était ses choix politiques. D'ailleurs, elle a milité au Parti Socialiste comme spécialiste du handicap, donc elle n'était pas dans la mouvance, disons, révolutionnaire, bien qu'elle la supportât. Donc, les discussions étaient animées, effectivement, chacun, alors le mérite, voilà. Dans les partis politiques, souvent, on se plaint, y compris dans ceux qui prétendent révolutionnaires, que ce sont les chefs qui parlent et que les autres y suivent. Et au moins, au comité de lutte, chacun s'exprimait. Ça ne voulait pas dire que l'accord était total à chaque fois. Il pouvait y avoir des contradictions et même des engueulades percutantes. Mais finalement, comme on était unis sur les finalités, on y arrivait très bien. On était tous sur un bouleversement et une révolution, mais il y avait les non-violents et il y avait les violents. Et moi, je faisais partie des non-violents. Ce n'est pas la réforme, c'est des bouleversements, mais des bouleversements par la non-violence. Donc, la fracture idéologique, c'est sur la violence. C'est-à-dire qu'ils voulaient passer à des actes violents. Mais tous les groupes sur des luttes spécifiques, ont eu ce problème. Ce n'est pas inhérent au handicap. Donc, le problème, c'est que toutes ces luttes, à un moment donné, elles résonnent sur le court terme et pas sur le temps long. Donc, à partir du moment où on résonne sur le court terme, eh ben, on veut passer par la violence. Et sur le temps long, c'est vrai que c'est long. Parce que tout le monde nous disait, c'est pas possible, on peut pas rabaisser les trottoirs, on peut pas, c'est impossible. Ben non, c'était pas impossible. La preuve, c'est que 50 ans plus tard, enfin non, 40 ans plus tard, ça existe. Donc voilà. Elisabeth, effectivement, elle voyait plus les revendications immédiates, d'abord. Accessibilité, y compris au travail. D'ailleurs, elle a parfaitement réussi cet objectif. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était les perspectives révolutionnaires, c'est vrai. Les handicapés, c'était vraiment à partir d'eux qu'on pouvait repenser une société complètement différente, radicalement différente. Et là, on a échoué, évidemment, bon, comme d'autres. Mais le plus important, c'est que nous ne séparons pas la lutte pour nos revendications immédiates de la lutte pour la transformation révolutionnaire de cette société. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas nous intégrer à la société telle qu'elle est. C'était Attention, handicapé méchante, avec Elisabeth Auerbacher et Gérard Leblanc. Prise de son, Olivia Branger. Mixage, Marie Lepeintre. Archivina, Linda Simon. Réalisation, Asia Ralid. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès. La société qui nous détruit, à grand et à petit feu, et dont le même mouvement en construire une autre, radicalement nouvelle. Construire une société où ceux qui produisent toutes les richesses n'auront aucune difficulté à s'adapter, car ce sera la leur.